Ouais, c'est quand je pense à toi. Envie d'écrire des mots de soi, des mots qui ne sont pas loi, mais qui te disent je t'aime trop souvent, je rêve de toi, de nous, de moi, de tant de joie. Tu te poses contre mon bras et tu fredonnes je t'aime au réveil, joie s'est enfuie. Seul reprend le cours de ma vie, solitude de mes envies. Et ce foutu goût de regret, ce maudit beau souvenir qui souvent me mène au soupir, m'aide chaque nuit. Je m'enivre quand un avenir m'apparaît sûr, on se perdra de vue. Mais grâce à toi, j'aurai vécu un peu de cet amour cru qui assourdit puis disparaît. S'il était seulement moins pur, je serais peut-être plus dur. Et je t'en voudrais, c'est sûr, d'être belle comme un soleil de mes soleils, si beau, si cruel. Soleil qui a fait de mon ciel une tartine emplie de miel, parfois un verre quand il faut oublier celle qui chaque jour à ma peine rappelle pour les tristes points d'abeille, mais ce verre et quelques prières. Sans raison tes yeux, ta voix, c'est vrai t'es mon chemin de croix. Rien n'est plus fort en moi, rien ne coule plus que toi dans mes veines, parce que chaque nuit sans toi m'éloigne toujours plus de toi. Encore et encore une fois, sache que plus que tout au monde je t'aime. Ta voix, c'est vrai, t'es mon chemin de croix.